au secours! Ai-je reconnu le sage et le moqueur? Que votre trouble finisse à ce que je vais vous dire. Avec le sage. Vous m'avez aimé sur ce pied-là. Je ne suis point. Un vrai sage pourrait en effet sa vertu comptable de votre repos. Mais savez-vous pourquoi je vous renvoie? C'est que j'ai peur que votre secret n'éclate et ne nuise à l'estime qu'on a pour moi. C'est que je vous sacrifie à l'orgueilleuse crainte de ne pas paraître vertueux sans me soucier de l'être. C'est que je ne suis qu'un homme vain, un superbe, à qui la sagesse est moins chère que la méprisable et frauduleuse imitation qu'il en fait. Voilà ce que c'est que l'objet de votre amour. Oh, je ne l'ai jamais tant admiré. Comment donc? Oh, Seigneur, n'avez-vous que cette industrie-là contre moi? Mais vous augmentez mes faiblesses en exposant l'opprobre dont vous avez l'impitoyable courage de couvrir les vôtres. Vous dites que vous n'êtes point sage. Et vous étonnez ma raison par la preuve sublime que vous me donnez du contraire. Attendez, madame. M'avez-vous cru susceptible de tous les ravages que l'amour fait dans le cœur des autres hommes? Eh bien, l'âme la plus vile, les amants les plus vulgaires, la jeunesse la plus folle, n'éprouvent point d'agitation que je n'ai sentie. Inquiétude, jalousie, transport, ont agité tour à tour. Reconnaissez-vous, Hermocrate, à ce portrait? Mais l'univers est plein de gens qui me ressemblent. Perdez donc un amour que tout homme pris au hasard mérite autant que moi, madame. Non. Je le répète encore. Si les dieux pouvaient être faibles, ils le seraient comme Hermocrate. Jamais il ne fut plus grand, jamais plus digne de mon amour, et jamais mon amour plus digne de lui. Oh, juste ciel, vous parlez de ma gloire. Et en est-il qui vaille celle de vous avoir causé le moindre des mouvements que vous me dites? Non, c'en est fait, Seigneur. Je ne vous demande plus le repos de mon cœur. Vous me le rendez par l'aveu que vous me faites. Vous m'aimez. Oh, je suis tranquille et charmée. Vous me garantissez notre union. Il me reste un mot à vous dire et je finis par là. Je révélerai votre secret. Je déshonorerai cet homme que vous admirez. Et son affront rejaillira sur vous-même si vous ne partez. Eh bien, Seigneur, je pars. Mais je suis sûre de ma vengeance. Puisque vous m'aimez, votre cœur me la garde. Allez, désespérez le bien. Fuyez un amour qui pouvait faire la douceur de votre vie et qui va faire le malheur de la mienne. Jouissez, si vous voulez, d'une sagesse sauvage dont mon infortune est venue vous assurer la durée cruelle. Je suis venue vous demander du secours contre mon amour. Vous ne m'en avez point donné d'autre que de m'avouer que vous m'aimiez. Et c'est après cet aveu que vous me renvoyez. Conservez aux dépens d'un jeune cœur que vous avez trompé, dont vous avez trahi la confiance, dont vous n'avez point respecté les intentions vertueuses, et qui n'a servi que de victime à la férocité de vos opinions. Modérez-vous, crie, madame, on vient à nous. Oh, vous me désolez, vous voulez que je me taise? Vous m'attendrissez plus que vous ne pensez, n'éclatez point. Moi, donc, ça? Non, non, non, non. Et quel droit de vous tenir? J'ai découvert un micmac, seigneur Hermocrate. Il s'agit d'une affaire de conséquence. Il n'y a que le diable et ces personnages-là qu'ils sachent. Mais il faut voir ce que c'est. Mais explique-toi. Je viens de trouver ce petit garçon-là qui était dans la posture d'un homme qui écrit. Il rêvait, secouait la tête, mirait son ouvrage. Et j'ai remarqué qu'il avait auprès de lui une coquille où il y avait du vert, du rouge, du bleu et où il trempait sa plume. Comme j'étais derrière lui, je me suis approché pour voir son original de lettres. Mais voyez un peu le fripon. Ce n'était pas des mots, ni des paroles. C'était un visage qu'il écrivait. Et ce visage, C'était vous, seigneur Herbocrate. Moi ? Votre propre visage. À l'exception qu'il est un peu plus court que celui que vous portez. Ah ben, le nez que vous avez ordinairement tient lui seul plus de place que vous tout entier dans ce miroir. Non, m'est-il permis de rapetisser ainsi le visage des gens, de diminuer la largeur de leur physionomie, de regarder un peu la mine que vous faites là-dedans. Oh. T'as bien fait, Arlequin, je ne te blâme point. Mais va-t'en, je vais examiner ce que cela signifie. Oh, n'oubliez pas de vous faire rendre les deux tiers de votre visage. Quel était votre idée ? Hein ? Pourquoi m'avez-vous donc peint ? Par une raison toute naturelle, seigneur, j'étais bien aise d'avoir le portrait d'un homme illustre et de le montrer aux autres. Ah, vous me faites trop d'honneur. Et d'ailleurs, je savais que ce portrait ferait plaisir à une personne à qui il ne convenait point de le demander. Cette personne, quelle est-elle ? Seigneur ! Taisez-vous, Corinne ! Qu'entends-je ? Que dites-vous, Aspasie ? N'en demandez pas davantage, Hermocrate, faites-moi la grâce d'ignorer le reste. Comment à présent voulez-vous que je l'ignore ? Brisons l'action, vous me faites rougir. Ce que je vois est à peine croyable. Je ne sais ce que je deviens moi-même. Oh, je ne saurais soutenir cette aventure. Et moi, cette épreuve-ci m'entraîne. Ah, Corinne, pourquoi avez-vous été surprise ? Vous triomphez, Aspasie. Vous l'emportez. Je me rends. Sur ce pied-là, je vous pardonne, la confusion dans ma victoire me couvre. Vous prenez ce portrait, il vous appartient, madame. Ah non. Je ne le reprendrai point, que ce ne soit votre cœur qui me l'abandonne. Rien ne doit vous empêcher de le reprendre. Sur ce pied-là, vous devez estimer le mien et le vôtre. Marquez-moi qu'il vous est cher. Me trouvez-vous assez humilié ? Je ne vous dispute plus rien. Chose, si le seigneur Hermocrate voulait souffrir que je le finisse, il ne faudrait qu'un instant pour cela. Oh, puisque nous sommes seuls et qu'il ne s'agit que d'un instant, ne le refusez pas, seigneur. Aspasie, ne m'exposez pas à ce risque-là, mais quelqu'un pourrait nous surprendre. C'est l'instant, je triomphe, dites-vous, il est précieux, ne le laissons pas perdre. Oh, vos yeux, on regarde avec une tendresse que je voudrais bien qu'on recueillie afin d'en conserver l'image. Oh, vous ne voyez point vos regards, ils sont charmants, seigneur. Achève, Corinne, achève. Seigneur, un peu de côté, je vous prie. Daignez mon visager. Oh, ciel, à quoi vous réduisez-vous ? Votre cœur rougit-il des présents qu'il fait au mien ? Levez un peu la tête, seigneur. Vous le voulez, Aspasie ? Tournez un peu à gauche. Ah. Cessez. Agis, s'approche. Sortez, Hermidas, sortez. Je venais vous prier, seigneur, de nous laisser potion pour quelque temps, mais j'augure que vous y consentez et qu'il est inutile que je vous en parle. Vous souhaitez donc qu'il reste, Agis ? Oh, je vous avoue que j'aurais été très fâché qu'il partît et que rien ne saurait me faire tant de plaisir que son séjour ici. On ne saurait le connaître sans l'estimer. Et l'amitié suit aisément l'estime. J'ignorais que vous fussiez déjà si charmés l'un de l'autre. Nos entretiens, en effet, n'ont pas été fréquents. Peut-être que j'interromps la conversation que vous avez ensemble, et c'est à quoi j'attribue la froideur avec laquelle vous m'écoutez. Ainsi, je me retire. Que signifie cet empressement d'Agis ? Je ne sais ce que j'en dois croire. Depuis qu'il est avec moi, je n'ai rien vu qui n'intéressait tant que vous. Vous connaît-il ? Avez-vous découvert qui vous êtes ? Et m'abuseriez-vous ? Ah, seigneur, vous me comblez de joie. Oh, vous m'aviez dit que vous aviez été jaloux. Il ne me restait plus que le plaisir de le voir moi-même, et vous me le donnez. Comment faire vous remercier de l'injustice que vous me faites ? Hermocrate jaloux ! Oh, il me chérit, il m'adore, il est injuste, mais il m'aime. Qu'importe à quel prix il me le témoigne. Bon, il s'agit pourtant de me justifier. Agis n'est pas loin, je le vois encore. Qu'il revienne. Rappelons-le, Seigneur. Je vais le chercher moi-même, je vais lui parler. Vous verrez si je mérite vos soupçons. Non, Aspasie, non. Je reconnais mon erreur. Votre franchise me rassure. Non, ne l'appelez pas. Je branle. Il ne faut pas encore que l'on sache que je vous aime. Laissez-moi le temps de disposer tout. J'y consens. Voici votre sœur, et je vous laisse ensemble. Oh, j'ai pitié de sa faiblesse. Au ciel, pardonne mon artifice. Ah, vous voilà mon frère, je vous demande à tout le monde. Que voulez-vous donc, Léontine ? À quoi en êtes-vous avec Faucion ? Êtes-vous toujours dans le dessein de le renvoyer ? Il m'a tantôt marqué tant d'estime pour vous. Il m'en a dit tant de bien que je lui ai promis qu'il resterait et que vous y consentiriez. Je lui ai donné ma parole, son séjour sera court et ce n'est pas la peine de m'en dédire. Ah non, Léontine, vous savez mes égards pour vous et je ne vous en dédierai pas. Dès que vous avez promis, il n'y a plus de réplique. Il restera tant qu'il voudra, ma sœur. Je vous rends grâce de votre complaisance, mon frère. En vérité, Faucion mérite bien qu'on l'oblige. Ah, je sens tout ce qu'il vaut. D'ailleurs, je regarde que c'est en passant un amusement pour Agis qui vit dans une solitude dont on se rebute quelquefois à son âge. Quelquefois à tout âge. Vous avez raison. On y a des moments de tristesse. Je m'y ennuie souvent moi-même, j'ai le courage de vous le dire. Avez-vous courage ? Et qui est-ce qui ne s'y ennuierait pas, n'est-on pas né pour la société ? Écoutez, on ne sait ce qu'on fait quand on se confine dans la retraite et nous avons été bien vite quand nous avons pris un parti si dur. Allez, ma sœur, je n'en suis pas à faire cette réflexion-là. Après tout, le mal n'est pas sans remède. Heureusement, on peut se raviser. Oh, fort bien. Un homme à votre âge sera partout le bienvenu quand il voudra changer d'état. Et vous ? Vous qui êtes aimable et plus jeune que moi, je ne suis pas en peine de vous non plus. Oui, mon frère, peu de jeunes gens vont de pair avec vous. Et le don de votre cœur ne sera pas négligé. Et moi, je vous assure qu'on n'attendra pas d'avoir le vôtre pour vous donner le sien. Vous ne seriez donc pas étonné que j'eusse quelques vues ? J'ai toujours été surpris que vous n'en eussiez pas. Mais vous qui parlez, pourquoi n'en auriez-vous pas aussi ? Et que sait-on ? Peut-être en aurais-je. J'en serais charmée, Hermocrate. Nous n'avons pas plus de raison que les vieux qui ont établi le mariage. Et je crois qu'un mari vaut bien un solitaire. Pensez-y. Une autre fois, nous en dirons davantage. Oh, adieu, adieu. J'ai quelques ordres à donner, je vous suis. À ce que je vois, nous sommes tous deux en bel état, Léontine et moi. Je ne sais à qui elle en veut. Peut-être est-ce à quelqu'un aussi jeune pour elle que l'est Aspasie pour moi. Que nous sommes faibles. Mais il faut remplir sa destinée. Tout me répond d'un succès infaillible. Je n'ai plus qu'un léger entretien à avoir avec Agis, il le désire autant que moi. Croiras-tu pourtant que nous n'avons pu parvenir ni l'un ni l'autre ? Hermocrate et sa sœur m'ont obsédée tour à tour. Ils doivent tous deux m'épouser en secret. Ah, je ne sais combien de dispositions sont prises pour ces mariages imaginaires. Mais on ne saurait croire combien l'amour égare ces têtes qu'on appelle sages. Et il a fallu tout écouter. Parce que Je n'ai pas encore terminé avec Agis. Il m'aime tendrement comme Aspasie. Pourrait-il me haïr comme Léonide? Non, madame, achevez. La princesse Léonide, après tout ce qu'elle a fait, doit lui paraître encore plus aimable qu'Aspasie. Oui, je pense comme toi, mais sa famille a péri par la mienne. Votre père hérita du trône et ne l'a pas ravi. Que veux-tu? J'aime et je crains. Je vais pourtant agir comme certaine du succès. Mais dis-moi, as-tu fait porter mes lettres au château? Oui, madame. Dimas, sans savoir pourquoi, m'a fourni un homme à qui je les ai remises. Et comme la distance d'ici au château est petite, vous aurez bientôt des nouvelles. Mais quel ordre donnez-vous au seigneur Ariston à qui s'adresse vos lettres? Je lui dis de suivre celui qui les lui rendra, d'arriver ici avec ses gardes et mon équipage. Ce n'est qu'en prince que je veux qu'Agis sorte de ces lieux. Et toi, Corinne, pendant que je t'attends ici, va te poster à l'entrée du jardin où doit arriver Ariston. Et viens m'avertir dès qu'il sera venu. Allez, va, pars. Et mets le comble à tous les services que tu m'as rendus. Je me sauve. Mais vous n'êtes pas quitte de Léontine, la voilà qui vous cherche. J'ai un mot à vous dire, mon cher Faucio. Le sang en est jeté. Nos embarras vont finir. Oui, grâce au ciel. Je ne dépends que de moi. Nous allons être pour jamais unis. Je vous avais dit que c'était un spectacle que je ne voulais pas donner ici. Mais les mesures que nous avons prises ne me paraissent pas décentes. Vous avez envoyé chercher un équipage qui doit nous attendre à deux pas de la maison, n'est-il pas vrai? Ne vaudrait-il pas mieux, au lieu de nous en aller ensemble, que je partisse la première et que je me rendisse à la ville en vous attendant? Oui. Ta! Vous avez raison. Partez, c'est fort bien dit. Je vais dès cet instant me mettre en état de cela. Dans 2 heures, je ne serai plus ici. Faucio, hâtez-vous de me suivre. Commencez par me quitter pour vous hâter vous-même. Que d'amour ne me devez-vous pas? Oh, je sais que le vôtre est impayable, mais ne vous amusez pas. Il n'y avait que vous dans le monde capable de m'engager à la démarche que je fais. Ah, la démarche est innocente et vous n'y courez aucun hasard. Allez vous y préparer. Oh, j'aime avoir votre empressement, puisse-t-il durer toujours. Et puissiez-vous y répondre par le vôtre, car votre lenteur m'impatiente. Je vous avoue que je ne sais quoi de triste s'empare quelquefois de moi. Ces réflexions-là sont-elles de saison? Je ne sens que de la joie, moi. Ne vous impatientez pas, je pars. Voici mon frère que je ne veux point voir dans ce moment-ci. Pour ce frère, ce ne sera donc jamais fait. Eh bien... Hermocrate, je vous croyais occupé à vous arranger pour votre départ. Ah, charmante Aspasie, si vous saviez... combien je suis combattu. Non, si vous saviez combien je suis lasse de vous combattre. Mais qu'est-ce que cela signifie? On n'est jamais sûr de rien avec vous. Pardonnez ces agitations à un homme dont le cœur promettait plus de force. Votre cœur fait bien des façons, Hermocrate. Soyez agité tant que vous voudrez, mais partez, puisque vous ne voulez pas faire le mariage ici. Ce soupir-là n'expédie rien. Il me reste encore une chose à vous dire qui m'embarrasse beaucoup. Mais vous ne finissez rien, il y a toujours un reste. Vous confierai-je tout? Je vous abandonnerai mon cœur et je vais être à vous. Ainsi, il n'y a plus rien à vous cacher. Après? J'élève Agis depuis l'âge de 8 ans. Je ne saurais le quitter si tôt. Souffrez qu'il vive avec nous quelque temps et qu'il vienne nous retrouver. Mais qui est-il donc? Nos intérêts vont devenir communs. Prenez un grand secret. Vous avez entendu parler de Cléomène, Agis et son fils, échappés de la prison dès son enfance. Votre confidence est en de bonnes mains. Jugez avec combien de soins il faut que je le cache et de ce qu'il deviendrait entre les mains d'une princesse qui le fait chercher à son tour et qui, apparemment, ne respire que sa mort. Elle passe pourtant pour équitable et généreuse. Bon, je ne m'y fierai pas. Elle est née d'un sang qui n'est ni l'un ni l'autre. On dit qu'elle épouserait Agis si elle le connaissait d'autant plus qu'ils sont du même âge. Ah, quand il serait possible qu'elle le voulût, la juste haine qu'il a pour elle l'en empêcherait. J'aurais cru que la gloire de pardonner à ses ennemis valait bien l'honneur de les haïr toujours. Surtout quand ses ennemis sont innocents du mal qu'on nous a fait. S'il n'avait pas un trône à gagner en pardonnant, vous auriez raison, mais... le prix du pardon gâte tout, quoi qu'il en soit. Il ne s'agit pas de cela. Agis aura lieu d'être content. Il ne sera pas longtemps avec nous. Nos amis fomente une guerre chez l'ennemi, auquel il se joindra. Les choses s'avancent, et peut-être bientôt les verra-t-on changer de face. Se défera-t-on de la princesse? Bah, elle est que l'héritière des coupables. Ce serait là se venger d'un crime par un autre et agissent dans un point capable. Non, il suffira de la vaincre. Ah, voilà, je pense tout ce que vous aviez à me dire. Allez prendre vos mesures pour partir. Adieu, cher Aspasie. Je n'ai plus qu'une heure ou deux à préparer ici. Enfin serai-je libre. Je suis persuadée qu'Agis attend le moment de pouvoir me parler. Cette haine qu'il a pour moi me fait trembler pourtant. Mais encore ces domestiques. Je suis votre serviteur, madame. Je vous salue, madame. Doucement, donc. N'appréhendez rien, je somme seul. Que voulez-vous ? Une petite bagatelle. Oui, je venons ici quand seulement pour régler nos comptes. Pour voir comme nous sommes ensemble. De quoi est-il question ? Faites vite, car je suis pressée. Ah ça, comme disent d'autres, vous avons fait bonne besogne. Oui, vous m'avez bien servi, tous deux. Et votre ouvrage à vous est-il avancé? Je n'ai plus qu'un mot à dire à Agis qui m'attend. Ben fort bien, puisqu'il vous attend. Ne nous pressons point. Parlons d'affaires. J'avons vendu du noir que c'est une merveille. J'avons affronté le tiers et le quart. Il n'y a point de fripons comparables à nous. J'avons fait un étouffement de conscience qui était bien difficile et qui est bien méritoire. Tantôt vous étiez garçon, ce qui n'était pas vrai. Tantôt vous étiez une fille, ce que je ne savais pas. Des amours pour celle-ci, puis pour celle-là. Moi, j'avoue, jetez votre cœur à tout le monde pendant qu'il était à personne de tout ça. Des portraits pour attraper des visages que vous donneriez pour rien, mais qui ont pris le barbouillage de leur mine pour argent comptant. Achèverez-vous, ça va-t-il? Votre manigance est bientôt finie. Combien voulez-vous bailler de la finale? Que veux-tu dire? Achetez le reste de l'aventure. Nous la ferons à prix raisonnable. Faites marcher avec nous, ou bien je rompons tout. Ne vous ai-je pas promis de faire votre fortune? Eh bien, baillez-nous votre parole en argent comptant. Oui, car quand on n'a plus besoin des fripons, on les paye mal.